George et la Scarface. X-Vibe. Avec mon rap tu te consoles quand tu reviens ton faux concert. Les concerts de public aux chanteurs cancer. Concert, j'en bats les couilles de tes conseils. Faux conseils, les concurrents que les radios conservent. Qu'on se perde dans la musique sans faire de constat. Je suis loin du rap des cons, je me rapproche du rap gangsta. Continue à produire sans signer de contrat. Je suis trop complet, les infraîchis me battent contre toi. Mon rap vient de la street pour que la street puisse le kiffer. Mon rap c'était mon astuce depuis que la maîtresse m'a griffé. Je rappe depuis l'adolescence, bercé par sens unique. Depuis cette prise de conscience, depuis les toutes premières critiques. Mon rap, c'est ma partie indélébile. Mon rap, c'est mon coup de chlap, encore merci à cette fossile. Mon rap, c'est le mien, j'apprécie quand on l'apprécie. Avec George, mon frangin, difficile d'être indécis. Et si, jamais t'étais déçu. Remets donc le son, c'est peut-être bien qu'on n'est pas dessus. Sache que même sur une prod, je resterai indépendant. Je ferai toujours en sorte que mon son reste bandant. C'est pourtant le tableau du rap, si jamais t'es pas content. Je suis pas là d'hier et je serai encore là demain t'entends. Sache que même sur une prod, je resterai indépendant. Je ferai toujours en sorte que mon son reste bandant. C'est pourtant le tableau du rap, si jamais t'es pas content. Je suis pas là d'hier et je serai encore là demain t'entends. Je me suis mis à rapper pour ne pas péter un câble. Comme mon beau rap me frappait parce que je parlais à table. Oh, mon rap m'a soigné pas comme ma mère et ses cachetons. Dans mon rap, j'ai cogné pour qu'il finisse dans un carton. Mon rap, c'est un gros âge quand ça te fait briller les yeux. Une cabriole de singe, car des fois ça plaît même aux vieux. Mon rap me fait trembler et me rend même incontrôlable. J'entre sur tous les beats d'emblée comme sur scène avec mon cartable. Est-ce que ça te concerne? On n'a pas suivi les consignes, on a des grosses scènes. On fait pas partie des conquistines. Nique l'insigne, j'ai compris leur combine à l'ancienne. Toujours les mêmes types condamnés. On le sait, tous pédalent vite avec des concubins. Tu fais 4 ans de prison et au final t'en conclut rien. Je marche à la pression, constipe les cailles et les concierges se font des rails. Quand jamais là, mais du balcon je vais voir les funérailles. 360 prod, Renault et Rasta. Sache que même sur une prod, je resterai indépendant. Je ferai toujours en sorte que mon son reste bandant. C'est pourtant le tableau du rap, si jamais t'es pas content. Je suis pas là d'hier et je serai encore là demain t'entends. Sache que même sur une prod, je resterai indépendant. Je ferai toujours en sorte que mon son reste bandant. C'est pourtant le tableau du rap, si jamais t'es pas content. Je suis pas là d'hier et je serai encore là demain t'entends. Construire, c'est le but pour tout notre country. Catri Fox depuis le début, compliqué à contrer. Dis pas le contraire, toi qui m'as déjà rencontré. MC Def pour monter, pas pour ça raconter. Mais rien que t'attire sur toi, je peux pas compter. Je consomme si et ça, donc c'est sûr, mais je peux pas conduire. Depuis bébé, nickel et condé, OCP, mauvaise conduite. On reste avec l'ascar, tu sais, pour se mettre des cuits. Mon rap pour toi, c'est quoi? En gros, c'est un tout en moi. Un peu de tout en nous et surtout un peu de nous dans tout. Mon rap, c'est mon yoga, mon décontractant, mon avocat. Le seul poteau de galère, le seul qui m'a suivi au cap là. Mon rap à 14 piges, alors des fois, je pars old school. Alors que tu kiffes, faut que tu kiffes pas. Moi, tu sais, je m'en gratte les boules. Sache que même sur une prod, je resterai indépendant. Je ferai toujours en sorte que mon son reste bandant. C'est pourtant le tableau du rap, si jamais t'es pas content. Je suis pas là d'hier et je serai encore là demain t'entends. Sache que même sur une prod, je resterai indépendant. Je ferai toujours en sorte que mon son reste bandant. C'est pourtant le tableau du rap, si jamais t'es pas content. Je suis pas là d'hier et je serai encore là demain t'entends.